23-14, observation, inquiétude. Je suis très inquiet. Je suis très inquiète. Je m'en sais. Je m'en sais beaucoup. Je ne suis pas tranquille.